radiothérapie, donc du système nerveux central. La deuxième partie, c'est un petit cours qu'on va prendre ensemble. C'est un cours à prendre comme note. Donc, je ne l'aurai pas en polycope. Donc il y a des notes à prendre. On va prendre l'essentiel. Ne vous référez pas au diapo parce que je vous ai dit ce qui est essentiel. D'accord ? La Parkinson est une également maladie qui prend du rancœur aux dernières années de telle pathologie dégénérative, sauf que c'est une des rares pathologies où l'accès des médicaments est possible. Sans qu'on ait savoir que faire mon patient à l'Alzheimer ou autre. Thérapie dépressive, très peu de médicaments parviennent, il faut reconnaître que ce n'est pas une thérapie curative. C'est une thérapie symptomatique, elle est palliative. On n'arrive pas à guérir de nos maladies. C'est une maladie qui est évolutive, donc, et elle évolue dans le temps. On peut tout simplement stabiliser. Quel est l'intérêt? Je ne vais pas prendre, quand je disais papa, prends, c'est pas moi. Quel est l'intérêt du secours? Qu'est-ce les objectifs de ce cours, c'est un peu de connaître la physiopathologie de la maladie. Si on maîtrise la physiopathologie, de ce fait, on peut comprendre les bases d'utilisation thérapeutique, quelles sont là, les molécules, à quel moment on doit les donner. Il faut distinguer dans la maladie de Parkinson, dans la maladie génétique, il y a le grand mal, il y a le petit mal, d'accord, et les absences, il y a un choix. Là également, il y a un choix orienté en fonction de la clinique. On va voir ça. Il faut connaître également, une fois qu'on a choisi les médicaments ou les molécules, il faut connaître les effets indésirables. Vous allez voir que ce sont des effets indésirables qu'on peut plus ou moins contrôler, parce que généralement ce sont des effets indésirables dose dépendants. Donc, c'est plus maniable. Et naturellement, contrairement à la maladie épileptique, où on doit commencer par la monothérapie, généralement il est très rare de commencer avec la monothérapie dans la maladie de Parkinson. Pourquoi? Parce que quand on se rend compte de la maladie, elle est déjà souvent dépassée et on commence très souvent par la bithérapie et parfois la trithérapie. Donc il y a des interactions. Il y a des interactions dans la même classe pharmacologique. Il y a également des interactions avec les. C'est là avec d'autres médicaments, d'autant plus que c'est une pathologie qui atteint le sujet âgé. Donc il y a le terrain sous-jacent et également il y a d'autres pathologies chez le sujet âgé, entre autres le diabète, l'hypertension et autres, etc. En introduction, on va voir trois éléments, l'introduction, la physiopathe et la thérapeutique. Voilà. En introduction, peut-être que la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est l'une des rares atteintes dégénératives et l'une des rares atteintes dégénératives du système nerveux central, du SNC, du système nerveux central, accessible à la thérapeutique. Et une des pathologies dégénératives du système nerveux central accessible à la thérapeutique. La L-DOPA. La L-DOPA est la molécule de référence comme traitement symptomatique. Cette pathologie est caractérisée. Quelle est cette triade de symptômes? Ce tremblement, akinésie, rigidité. Donc la pathologie est caractérisée par cette triade, c'est trois, triade symptomatique ou sémiologique, tremblement, akinésie et rigidité. Les tremblements s'observent surtout au repos, ce qu'on appelle les tremblements de repos. Les tremblements s'observent surtout au repos. Et l'akinésie et là, correspond à une diminution. Et l'akinésie correspond à une diminution de la fréquence des mouvements volontaires tel que le système extrapyramidal. Système extra-pyramidal. Je vais revenir à. On est toujours dans la production, on va revenir à tout ça. Je suis en train de donner des définitions, une série de notions sur ça. Donc, le système extra-pyramidal contrôle la motricité, les mouvements automatiques. La contraction, segmentaire des grosses masses musculaires, et la puissance. Et la précision. Musculaire, grosse masse musculaire et la précision. Ça, c'est entre autres, j'ai cité les principaux pourquoi. Je vais revenir. Pourquoi je donne cette notion? On a défini ce que c'est à peu près sur le plan sémiologique, sur le plan clinique. Qu'est-ce qu'on entend par maladie de Parkinson? D'accord? Connaissant cette pathologie, et on va savoir quelle est la zone qui est affectée. La zone affectée est le système extrapyramidal. Mais dans cette zone, on aura une zone plus précise, c'est la zone microstriée. Et dans la zone microstriée, il y a des cellules qu'on appelle les cellules du locus bouger. Tac, jusqu'à le système cellulaire. Au niveau de ces cellules, les cellules sécrètent une catécholamine qu'on a déjà, parlé, c'est la dopamine. Et on constate que la diminution de synthèse de dopamine au niveau de ces cellules entraîne leur dégénérescence, leur destruction. La destruction de ces cellules au niveau, carrément, de ce système microstrié va affecter le système extrapyramidal. Et généralement, donc, sans rentrer dans le module de neuro, il y a des tests qui démontrent, entre autres, le type d'atteinte. Il y a, que ce soit d'origine virale, quand on a certaines encéphalopathies, soit qu'elle est d'origine toxique, pour les alcooliques, ou elle est une autre origine, même si elle est idiopathique. Le plus simple, c'est la précision. Et bien, on demande souvent aux malades de faire ce geste. Rapidement. Celui, donc, la personne qui a une atteinte au niveau de ce système, et bien, vous verrez, on va faire ça. Il y a donc une perte de précision. Généralement, pour les alcooliques, quand quelqu'un prend trop d'alcool, donc il n'y a pas que ça. Pour la précision, on lui demande de marcher sur une ligne droite. Donc, généralement, la gendarmerie le prend quand il y a une ligne continue ou une chicane. Et même la ligne continue, il y a un gars où il y a une chevalier. Là, il y a une perte également de précision. Un autre type d'atteinte, on fait ça. Et on voit la personne si elle a des réflexes, des mouvements automatiques. Soit pas ça, soit on pousse la personne quand elle tombe. Donc, il y a des réflexes un peu automatiques, je dirais un peu d'autodéfense qui se font, d'accord ? Même quand on a une mouche qui nous tourne autour, voilà, c'est des gestes qui sont... Là, il y a une perte de ces gestes automatiques qui sont synonymes d'une attaque du système extra. Après, donc, l'introduction... Vous mettez en grand 2, en grande introduction, grand 2, les interactions biochimiques ou physiopathologiques. Soit les interactions biochimiques, soit c'est la physiopathe. Mais ne pas dire physiopathe, déjà vous avez un mot de physiopathe. Hein, ne pas dépasser la zone de stress. On va parler d'interactions biochimiques. Vous notez, elles concernent essentiellement. Elle concerne essentiellement la dopamine. Elle concerne essentiellement la dopamine. Elle concerne essentiellement la dopamine. Et la lésion. Et la lésion du locus niger. Et la lésion du locus niger entraîne une diminution du taux de ce neuromédiateur et la tête du locus niger entraîne une diminution du taux de dopamine tremblement et la rigidité, alors que les tremblements et la rigidité sont en relation avec le GABA, avec l'activité GABA. Que le phénomène akinétique est dû au trouble de l'activité dopaminergique. Un déficit en dopamine au niveau des cellules cérébrales entraîne un phénomène akinétique. D'accord ? Ils ont constaté que la rigidité est due également à en relation beaucoup plus avec le système GABA-H. Initialement, on pensait qu'il y avait donc ce système et qu'on pouvait, en d'autres termes, si on pouvait traiter, de prime abord, avec les notions que vous avez, si on doit traiter la maladie de Parkinson, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On va donner quoi? Beaucoup plus donner la dopamine. D'accord? Donner tout simplement la dopamine, c'est-à-dire ramener de la dopamine et on règle le problème. Or, on a constaté qu'il y a autre chose, c'est que dans ce système, il y a un équilibre au niveau de la zone microstriée. Il y a deux systèmes excitateurs, qui est la dopamine et la acétylcholine. C'est-à-dire qu'il y a un système d'équilibre. Si ce système est cassé pour une raison ou une autre, donc il y a dégénérescence. Et on va constater beaucoup plus que la dégénérescence des cellules du locus Michel entraînait, comme ici, c'est le premier constat, il y avait une hypoactivité dopaminergique. La diminution de l'activité dopaminergique faisait, dans le système nerveux, qu'il fallait le compenser. Le compenser par quoi? Par l'acétylcholine. On avait quoi? De l'acétylcholine de augmenter l'activité ou diminuer? Augmenter l'activité. Donc on avait tout simplement, par un système aveugle, le déficit cérébral en dopamine provoquait une activité de l'acétylcholine. Mais au lieu d'une augmentation de l'acétylcholine, entraînait entre autres les troubles de l'eau. Et c'est pour cela que, aux études, avant de revenir à la planche, on va y revenir à ça. On a constaté qu'au niveau de la zone, ce qu'on appelle la zone micro-striée, il y a deux faisceaux qui font l'équilibre. Il y a un faisceau descendant, qui descend, micro-strié, qui est sous le commandement de la cholinergique, et il y a un faisceau ascendant, striomyélique, qui est sous le commandement de la dopamine. Et ces deux neuromédiateurs sont en équilibre. Suite, les motifs sont multiples. De la dégénérescence, c'est pas la peine de prendre ça. Je vais revenir. La dégénérescence des cellules du locus faisait qu'il y avait une diminution d'activité de la dopamine. Automatiquement, ça a été compensé par augmentation de l'acétylcholine. Donc le traitement de base, c'était quoi? Pour traiter, apport de la dopamine et donner des antagonistes de l'acétylcholine. Parce que vous allez voir le GABA. Je vais en parler tout de suite pour vous, parce qu'à certains moments, on s'est posé la question. Puisqu'il y avait une diminution de l'activité GABA, pourquoi ne pas donner des médicaments de l'épilepsie? Tout simplement. C'était eux qui agissaient sur le système GABA. Or, on constatait que pour arriver à diminuer, parce que dans le cas de la maladie de Parkinson, il y a, ce qu'on avait dit, il y avait des tremblements jacksoniens. Il y avait des troubles moteurs. Il y avait végétation. D'accord? Il y a ça. Et il y avait la rigidité, si vous vous rappelez, quand on avait parlé, je vous ai dit que le fait de donner le fter, c'est plutôt de le mettre dans la bouche. La bouche, parce qu'il y avait une rigidité, cette rigidité pouvait carrément couper la langue. Oui. Et ça, c'est important, cette rigidité musculaire. Mais pour entre donner un effet ion-relaxant et arrêter le tremblement, il fallait donner des fortes doses en anti-épileptique qui aboutissait carrément à la sédation. C'est-à-dire pour aboutir, pour traiter, pour arriver aux doses thérapeutiques, pour relaxer le malade, il fallait donner de très fortes doses. C'est pour ça que les anti-épileptiques, dans ce domaine, ont été écartés. Et les plus simples à donner, c'est tout simplement, puisque le tremblement et la rigidité ont une rigidité beaucoup plus périphérique. Donc on pouvait donner tout simplement les anticholinergiques, c'est-à-dire les antagonistes cholinergiques. Et pour traiter la kinésie qui est un trouble central, on pouvait donner carrément de la dopamine. Voilà le schéma thérapeutique de la maladie de Parkinson. D'accord? Toujours avant de prendre ça, je voulais revenir sur les traitements. Il faut donner de la dopamine. La dopamine, comme vous le savez, est synthétisée à partir d'un précurseur qui est la L-DOPA. La L-DOPA nous donne la dopamine qui est libérée au niveau des différents récepteurs. La dopamine également comme la noradrénaline, vous vous rappelez, j'ai dit qu'il y avait une relation entre GABA et noradrénaline, comme stimulant, et qui est dégradée également par les systèmes CAMP ou par la MAO. Sauf que pour la NORA, c'est une MAO type A, adrénaline, et pour la dopamine, c'est une MAO, c'est une monoamine oxydase type B. Mais on pouvait donc, la L-DOPA était transformée en dopamine grâce à une enzyme, la DOPA décarboxylase. Si je vous demande de noter ça, c'est pour comprendre la thérapeutique par la suite. Vous notez tout simplement, je ne veux pas un schéma de Picasso. Hein? Vous n'êtes pas dans l'école des beaux-arts. Je vous demande tout simplement de faire une flèche en disant qu'il y a la L-DOPA qui vous donne de la dopamine grâce à une enzyme qui s'appelle la DOPA décarboxylase. D'accord ? Et que cette dopamine est dégradée grâce à la MAO et au CAMP. Pourquoi j'ai mis les I ? Tout simplement, qu'on peut donner des schémas de traitement si on veut augmenter le taux de dopamine ou de, c'est donner des inhibiteurs. Ce qu'on appelle inhibiteur de la DOPA décarboxylase. Donner un IDDC. Soit donner un inhibiteur de la MAO, soit donner un inhibiteur des CAMP. Une petite flèche de en bas et les enzymes et j'oublie les couleurs. Vous allez comprendre le pourquoi de ces petits mots dans le traitement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est clair? Monsieur? Oui. Monsieur, on recherche à augmenter la concentration de dopamine. Pourquoi on inhibe les dopamine des carbones? Vous allez savoir pourquoi. La patience est la vertu des sages. Tu vois, il y a des coups de chambre de Moubada, par exemple. Section A plus B. Section A, nous, Fagda. Section B, nous. Je vous assure parce qu'il y a Aïda. C'était comme ça. On dit de Aïda, on dit Yahvi. On ne se pas. Vous faites la grâce matinée ceux qui n'ont pas stage. Hein? Ouf, là, ça. Parce que je sais que plus on va vers mes joints, ça va rétrécir un peu de chambre. La présidente du CP, il est interdit d'enregistrer le cours. Il est interdit d'enregistrer le cours. La voix est quelque chose de personnel. Je vais demander les droits d'auteur. Mais c'est un compose un film. Mettez-le là, moi, grâce. Notez que. L'intégrité de l'activité extra-pyramidale. L'intégrité de l'activité extra-pyramidale nécessite. L'intégrité de l'activité extra-pyramidale nécessite. L'intégrité des noyaux gris centraux. Nécessite. souci d'intégrité des noyaux gris centraux qui sont commandés. Par un système bidirectionnel. Descendant. Nigrostrique. C'est-à-dire dopamine, acétylcholine. Il existe un équilibre entre ces deux médiateurs et l'hypoactivité dopaminergique et l'hypoactivité dopaminergique a entraîné une hyperactivité cholinergique. L'hypoactivité dopaminergique, parce qu'il doit y avoir un équilibre. Mais du moment où il y a eu un hypo quelque part, pour compenser, il faudrait qu'il y ait une hyper. Donc l'hypoactivité dopaminergique a entraîné une hyperactivité cholinergique. Donc c'est très simple. Sur le plan de traitement, qu'est-ce qu'on donne ? On ramène soit la dopamine, soit on donne. Vous allez voir. En grand 3 maintenant, on a compris la physiopathe, le traitement. Le traitement. Premier mode de traitement, grand A, c'est les anticholinergiques. Je vais vous faire l'anatomie. Vous avez vu en première année. Hein? Il y a quelque chose que j'ai perdu les yeux, les ailes sont bien, tout ça. Je sens très bien. D'accord ? Alors, vous avez beaucoup d'anatomie, on va passer la place à ces plus simples. Hein ? Ouais, l'internet, tapez la zone du constrier, c'est un système extra-pyramidal. D'accord ? Je sais que vous n'êtes pas d'anatomie, mais beaucoup d'anatomie. À tel point que vous avez effacé toutes les notions de la télé, d'accord ? Il ne reste que ton livre. Alors on continue. Le système thérapeutique, la première classe, on a une hyperactivité cholinergique. Vous allez voir s'il vous plaît. Je vais résumer bien attendu pour mieux comprendre. Sur le plan de traitement, on a trois classes thérapeutiques. On a les anticholinergiques, généralement parce qu'il y a une hyperactivité cholinergique, et on va constater que généralement, puisqu'on va relier le GABA à l'activité cholinergique, que c'est beaucoup plus les tremblements qui sont dus à l'hyperactivité cholinergique. Et généralement, la forme débutante de la maladie, c'est le tremblement. Et c'est pour ça qu'on dit les tremblements de repos. Parce qu'on peut avoir des tremblements, l'effort, quand on fait beaucoup de choses. On vous demande de prendre quelque chose de lourd, à partir d'un certain moment, vous allez commencer à trembler. Là, c'est des tremblements de repos, voilà, donc au repos, comme vous voulez. Et là, généralement, ce sont des médicaments qui agissent beaucoup plus sur la tonicité et les tremblements. Ils sont considérés, dans certains cas, comme forme débutante de la maladie. Maintenant, si le malade ne fait pas un syndrome akinétique, vous pouvez faire de la monothérapie avec des anticholinergiques. Généralement, si vous rappelez dans le système nerveux autonome, les anticholinergiques agissent à quel niveau? Non, sur quel type de? Très bien. Sur le récepteur uniquement muscarinique. Ce sont des antagonistes des récepteurs muscarinés. Les antagonistes des récepteurs nicotiniques sont appelés des ganglioplégiques. Et les antagonistes de la cycholine au niveau de la plaque motrice sont les curares. Donc c'est des antagonistes muscariniques, des antagonistes compétitifs, tout simplement, donc qui agissent sur le tremblement. Maintenant, si le malade fait un syndrome akinétique, on peut carrément donner quoi? C'est-à-dire qu'on constate que c'est plutôt un déficit maintenant en dopamine exagérée. Et là, on va donner carrément la dopamine. Je reviens à la question et je résume le cours avant de dicter. C'est qu'on ne peut pas donner de la dopamine. On ne peut pas donner de la dopamine. Pourquoi d'après vous? Très bien. La dopamine ne diffuse pas. Elle est dégradée. Elle ne diffuse pas. C'est le plus important. Elle ne passe pas la barrière hématocrystallique. Et c'est pour cela qu'est-ce qu'on fait? On donne son précurseur. Mais si je donne, la L-DOPA, tel que c'est ça, j'ai dit dans l'introduction, c'est la L-DOPA qui est la molécule de référence, pas la dopamine. Vous avez peut-être fait attention à ce que vous avez noté, donc c'est la L-DOPA. Mais je ne peux pas donner la L-DOPA en final. Si je donne la L-DOPA par voie, c'est un traitement symptomatique, par voie orale, si je donne de la L-DOPA en final, la L-DOPA va être transformée en dopamine. Et elle ne passera pas. Qu'est-ce que je fais? Très bien, je donne un inhibiteur de la dopamine, donc je la donne sous forme d'une, on appelle ça? Prodrogue, merci beaucoup. Je la donne sous forme inactive. Je la protège, c'est ça, une prodrogue. Et par la suite, j'ai, quand elle rentre dans le système là, si elle est transformée, c'est ce qu'on cherche. Mais au niveau périphérique, hein, on ne l'est pas. Et vous allez voir, c'est pour cela qu'on a des particularités, des effets secondaires. Les anticholinergiques, je ne vais pas détailler les effets secondaires parce qu'on les a déjà vus, d'accord? Et j'espère que vous avez fait le tirage. Il faut que vous demandiez des délégués, ça sera délégué. Vas-y, Martoche. Donc, on va faire... Donc, c'est pour essentiellement ce tableau parce qu'il est important, parce qu'on va le revoir souvent. Et en la troisième classe, ce sont des médicaments qu'on appelle, c'est beaucoup plus des médicaments de relais. Parce que parfois, on ne peut pas donner. Parce que quand on constate la maladie de Parkinson, souvent c'est trop tard. Donc on commence déjà avec un anticholinergique et avec la dopamine. Ou les précurseurs de la dopamine. Mais ce sont des médicaments qui vont avoir plus d'effets secondaires. Et parfois, on donne des traitements, on arrête, et on fait ce qu'on appelle traitement de relais ou de substitution. Ou bien on diminue la dose de la dopamine pour éviter les effets secondaires exagérés. On ramène une autre molécule qu'on appelle une molécule de relais. Voilà le traitement de la maladie de Parkinson. C'est bon pour votre question? Les anticholinergiques, j'ai dit, ils sont surtout actifs sur les tremblements, ils sont surtout actifs sur les tremblements et la rigidité. antagoniste muscarinique sont des antagonistes muscariniques, périphériques et centraux. Vous pouvez prendre comme exemple le médicament. Chez nous, les trois molécules existent. Mais elles ne sont pas. Avant, on parlait d'artane. D'artane, le plus utilisé, il est commercialisé sous le nom de partinane. Pourquoi d'artane et partinane? C'est la force LP, à libération prolongée, parce que l'artane est utilisé par des drogués. Quand il est pris à forte dose, ça a un effet hallucinogène. Parce qu'il y a également une hyperactivité centrale. Là, c'est évidemment c'est bombé. Non, ça n'existe plus. Il n'y a que la forme retard. Donc, les principaux dérivés existent. Vous pouvez prendre un nom, c'est l'artane, le parcidone, l'ispane. Les noms changent avec eux. Notez comme ces antilles, ces molécules. Molécules entraînent une inhibition. C'est pas la peine de mettre l'artane. Exemple l'artane. Votre je demande des comptes. C'est un des exemples. Je voulais parler beaucoup plus de l'artane. C'est pour dire que c'est une molécule qui n'existe pas. Si on atteint en pose, elle existe que sous forme LP. La cache sous forme directe. Rien ne pose pas de problème. Vous notez que ces molécules entraînent une inhibition, voire cours d'anatomie, pour votre camarade, au niveau du striatum. Au niveau du striatum, qui expliquerait qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en train de souffler du vent. Vous bloquez où? Vous êtes inhibé à quel niveau? Au striatum. Au striatum. Vous êtes à jour. Vous êtes au striatum. D'accord? J'ai dit que j'explique le mécanisme. Ces molécules inhibent quoi? Inhibent les récepteurs muscariniques, je n'en parle, au niveau du striatum, ce qui expliquerait l'efficacité. C'est-à-dire que c'est la zone de l'effet primaire. Inhibé. L'activité cholinergique au niveau du striatum est synonyme d'activité primaire. C'est un D'accord. Par contre, je voulais soulever que l'inhibition des récepteurs muscariniques au niveau du système cortico-hypocampique, eh ben, il n'est pas responsable de l'activité primaire, mais des effets secondaires. C'est beaucoup plus avec les cuirs. Quand je dis, vous soufflez. Quand j'explique, vous écrivez. Vous savez ce que vous voulez quand même. C'est dû et on le voit souvent avec les malades. On le constate dans les maladies dégénératives. Surtout par exemple en cas d'Alzheimer. Il y a une perte de mémoire. Même dans la maladie de Parkinson, il y a une perte de mémoire. On constate pour des choses que vous avez pris du médicament. J'ai oublié. Est-ce que vous avez eu telle symptomatologie? J'ai oublié. Ceci n'est pas dû à la pathologie, mais beaucoup plus dû à l'effet secondaire du médicament. D'accord? Il y a une différence entre une symptomatologie qui est liée à l'appel dégénératif du cellule. Là, c'est beaucoup plus au blocage de l'activité cholinergique au niveau du système cortico-hypocampique. D'accord? C'est une zone qui commande, c'est là où le siège qu'on appelle le siège de l'intelligence. En d'autres termes, certains l'appellent, la pensée pensante. Ce n'est pas de la philosophie. On l'appelle la pensée pensante. Quand on détermine le QI, vous savez ce que c'est le QI? Il est au niveau de cette zone. Il y a des gens qui suffisent, par exemple, les données, ça nous arrive, de passer dans une rue et de faire attention à beaucoup de choses. Il y a des gens qui passent, il y a pas mal, hein, que cherche un tas d'un ça vous arrive pas? Et là, ça nous arrive, d'abord, de tous de croiser des gens et de leur de les voir sans les regarder. On n'est pas des gens, mais c'est riche. Parce que parfois, il y a des étudiants, il y a fait de cours, il fait ça. Aucun idée fait ça. Première couche, deuxième couche, t'as tous les biffeurs. D'accord ? Et il y a ce qu'on appelle la mémoire visuelle. C'est ça qu'il faut des calculs mentaux. Il y a des gens, on leur demande, il faut un calcul mental rapide. Il y a des gens qui n'arrivent pas. La génération qui monte, c'est notre faute. C'est la faute de notre éducation. Il fonctionne tout ça. Mais il n'y a que 2 fois 3, il faut qu'il y ait un calcul rapide. Vous avez bon fait. Vous, la faute de l'éducation, 7 fois 9. Dans 7 fois 9, on a reçu des. On n'a pas oublié ce que c'est 7 fois 9. Bon, la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant en thérapeutique. Ça s'appelle l'économie, il y a des choses vraies. En thérapeutique, c'est pour ça que c'est indispensable. Pour avoir la génération d'enfants. J'ai des enfants, la même chose. Vous faites un peu de l'apprentissage passif. Vous faites de la phagocytose sur tous les points, même la cuisine. D'accord ? Vous êtes là. Il est dans l'ordinateur. Je pose la question, combien de personnes lisent ? Dans la maladie d'Alzheimer, dans la maladie de Parkinson, eh ben, il est recommandé pour l'indication non thérapeutique de lire. Pour réactiver le cérébral et l'intelligence, de garder le fait de lire, il ne met pas la mémoire en stand-by. Elle la maintient en activité. Le fait de ne pas trop lire et de trop dormir, hein, c'est différent. C'est ce qu'on remarque après le moment du bébé. La reprise. C'est surtout, vous constatez, il y a deux phases. La phase après les examens, c'est les épuisements. Vous êtes tout le temps fatigué sans rien faire. Bon, ben, quand vous recommencez, première va être fauche, vos deuxièmes bloqués, on va du coincé, etc. etc. On est bien d'accord ? Donc, il faut faire attention à ces éléments qui sont également indispensables. Donc, j'insiste sur le plan, vous notez, c'est très important, que l'effet central, c'est-à-dire l'inhibition au niveau du striatum, expliquerait l'efficacité, expliquerait l'activité primaire. Alors que l'inhibition au niveau cortico-hippocampique, expliquerait des effets secondaires et plusieurs parenthèses. Et normalement, même si c'est une activité, on peut la considérer latérale, pour moi. D'accord ? Parce que ça maintient un peu le sujet en état un peu de sédation. C'est trop réfléchi, mais c'est beaucoup plus considéré comme étant un effet secondaire et vous étant parenthèse, perte de mémoire. Mais c'est des pertes de mémoire qui sont transitoires, pas du tout. C'est pas non plus une perte totale. Je n'ai pas à vous expliquer, parce qu'on l'a déjà vu, c'est pas la fin de l'année de cours, que j'ai dit que l'effet était central ou périphérique. Les anticholinergiques, on a des récepteurs centraux et des récepteurs périphériques. Les récepteurs périphériques, c'est quoi ? C'est toute l'activité anticholinergique qu'on a vue. C'est une diminution de la sécrétion, d'accord ? C'est une diminution carrément lacrymale, digestif et le péristaltisme. Mais le plus important, notez bien, dans lequel vous constatez que toute activité, vous la soulignez, que tout médicament, que ce soit aujourd'hui ou là pour demain, et que tout médicament qui a un effet anticholinergique, eh bien vous aurez ces manifestations. Un tarissement. Et souvent, vous verrez, les malades qui ont la maladie de Parkinson, quand ils parlent doucement. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont une bouche qui est pâteuse. Le défaut de sécrétion, ils s'adoucissent. quand il parle, comme si ça collait. Voilà, une allocution lourde. Et donc quand il parle, il fait tout pour qu'il y ait une augmentation de la sécrétion parce qu'il n'arrive pas. Et autre chose, la plus importante, c'est qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a une diminution de la sécrétion, aussi bien urinaire, d'accord, et du péristaltisme. Il est recommandé, il est indispensable de demander à ces malades de prendre beaucoup d'eau, même si par petite gorgée, avec une bouteille, parce que ça permet d'imbiber la bouche, et ça permet également d'éviter la constipation sur des sujets âgés, surtout quand on sait que les sujets âgés ne prennent pas beaucoup d'eau. Donc c'est beaucoup. Ça, c'est des recommandations, donc extra-thérapeutiques, mais qui complètent le traitement. Donc je ne vais pas parler des effets périphériques. Les effets périphériques, ce sont tous les effets anticholinergiques, aussi bien. J'ai mis quelques-uns, mais ce sont également des effets périphériques qui agissent également sur le cœur, d'accord, que sur les bronches, que sur les... Faites attention, si vous donnez ce type de traitement à un malade qui a un terrain, donc là, vous avez des médicaments qui ont un double effet anticholinergique. Vous allez avoir une synergie d'effets anticholinergiques qui peut être un effet secondaire exagéré. D'accord ? Ce sont des effets, tant mieux, j'insiste, ce sont des effets dose-dépendants. Il suffit de diminuer les doses pour que les effets disparaissent. Donc, j'ai résumé, les effets sont fréquents et ils sont dose-dépendants. À côté des anticholinergiques, la deuxième classe, c'est les restaurateurs dopaminergiques. On a un dépôt de dopamine, on va ramener l'endorphine. Donc, deuxième classe thérapeutique, B, les restaurateurs dopaminergiques. Notez que... Les restaurateurs dopaminergiques. Vous notez que l'administration de la dopamine, est un échec. Car cette dernière ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Le choix reviendrait donc à son précurseur. Deux points, la L2. Notez que cette molécule ne peut pas être administrée directement. Converti ou dégradé en dopamine. Cette dernière ne peut pas être administrée directement car transformée en dopamine. Elle est commercialisée sous forme d'une prodrogue. Associée à un inhibiteur sous forme de prodrogue associé à un inhibiteur de la dopa décarboxylase. IDDC. Un inhibiteur de la dopa décarboxylase. Qu'est-ce que c'est cette molécule? Le dérivé de l'ergot. Ergot, c'est E-R-G-O-T. Ergot. E-R-G-O-T. Ergot, 2-D-E, seigle. Normalement, vous savez ce que c'est le seigle. C'est quoi le seigle? Seigle s'écrit S-E-I-G-L-E. C'est pas de l'anatomie là-dedans. C'est à travers un mât. Je vais l'embêter avec la date de l'époque. La prochaine fois que je vais parler, comme les enfants d'avant. C'est quoi le seigle? Quelque chose que vous voyez, que vous connaissez. Cher, très bien. Le seigle est cher. Il pousse la, c'est la même épine que le blé, sauf qu'elle est un peu différente, elle est moins importante, plus flétrie. Et l'ergot seigle, on fabrique deux types de médicaments qui sont parasités par cette plante. On fabrique une drogue qu'on appelle LSD, les dérivés de l'acide lysergique. C'est une forme de goutte, c'est une drogue. Et on fabrique un médicament qui est commercialisé, c'est les dérivés de l'ergotamine. Les dérivés de l'ergotamine sont donnés, on en a parlé, dans le traitement des céphalées idiopathiques. Quand il y a une vasoconstriction, et on le donne dans le cas pour favoriser l'élimination suite aux avortements et aux fausses couches. C'est assez utilisé, les décès molécules, d'accord ? Donc on l'exploite également comme activité latérale des principes actifs, mais ce sont des médicaments anciens comme l'histoire. Quand il y a des molécules qui dérivent des alcaloïdes de l'ergot de seigle, et à l'heure actuelle, on utilise les agonistes, des récepteurs D2. Les récepteurs D2, pourquoi pas D1, parce que les D2 présentent moins d'effets indésirables. Les molécules les plus récentes sont des agonistes, c'est-à-dire sont des médicaments qui se fixent sur les récepteurs dopaminergiques type D2, d'accord ? Mais pourquoi la particularité ? C'est parce qu'ils sont, présentent moins d'effets indésirables, entre parenthèses, par rapport aux autres, par rapport aux D1, D3 et le reste. Vous notez toujours dans les effets, au niveau du système nerveux central, ces médicaments régulent, les mouvements automatiques. Et les troubles akinétiques. Ils entraînent également la libération. Il entraîne également la libération d'hormones mélanotropes. Thank you. possède une activité latérale, elle possède une activité latérale anti-émétique. Elle présente une activité latérale anti-émétique. Je ne vais pas, c'était pour compléter un peu le cours, pour vous rafraîchir la mémoire, que la dopamine, si elle est fabriquée au niveau central, c'est pour, de par ses propriétés. Donc il y a une activité primaire et une activité latérale. Mais il y aura toujours une partie de la L-dopa qui va être transformée en dopamine. Et elle aura une activité périphérique. Et on avait dit que la dopamine ayant une activité périphérique a trois réponses. Lesquelles ? Voir système nerveux sympathique. À faible dose, elle avait une activité dopaminergique. Vous vous rappelez ? C'est-à-dire qu'elle avait un effet diurétique. À dose thérapeutique, elle avait une activité sur les récepteurs adrénergiques, bêta, tachycardie. Et le fait de se fixer sur les récepteurs alpha, à forte dose, provoquait une vasoconstriction, donc un risque d'AVC. En d'autres termes, c'est pour vous rafraîchir la mémoire, que si un malade est sous traitement avec ce type de médicament, et que ce même malade vous fait l'hypertension, c'est... Ce contre. Vous dites que... Sur le plan thérapeutique, c'est une forte dose. Soit c'est un surdosage, soit c'est une... surcharge. Vous êtes soit en interaction, une surcharge. Pourquoi ? Parce que la dopamine qui reste dans le compartiment périphérique serait insuffisante pour entraîner ce type de manifestation, sauf un effet probable diurétique, qui n'est pas méchant et qui est bénéfique chez un sujet âgé, d'autant plus qu'on a une rétention. D'accord ? C'est une bonne chose, aussi bien centrale que périphérique. Et si vous avez des troubles du rythme, et si vous avez de l'hypertension, et vous avez des signes d'hypertension, dites-vous que la quantité de L-dopa que vous avez donnée est trop forte parce qu'elle a donné naissance à une très grande quantité transformée en dopamine qui n'est pas passée, qui est restée dans le compartiment périphérique et qui va provoquer des effets secondaires. Vous êtes fermé, non ? J'espère que vous n'avez pas des troubles de la mémoire. Et non, parfois on parle des choses et on oublie vite. Vous notez ? Périphérique, c'est un parallèle. C'était pour vous rappeler la mémoire. La dopamine périphérique, voire court du système nerveux sympathique. Pourquoi la redouter ? Notez que les effets secondaires induits par ces médicaments, sont soit précoces, soit tardif, Vous mettez deux points, et avant de dicter le reste, je vous demande de voir cette planche. Vous n'allez pas prendre votre planche. D'accord ? Il y a des effets centraux, il y a des effets périphériques, il y a une perte d'efficacité, et il y a une fluctuation de la performance. On va les définir. Vous avez des effets centraux, type délire, hallucination. Est-ce que ce sont des effets tardifs ou précoces ? Précoce. Vous êtes d'accord ? Oui. C'est ça la démocratie. Mais moi je dis non. Si vous avez des effets périphérique, c'est-à-dire que vous avez une hypotension, des vomissements, des nausées et une hypotension orthostatique. Précoce. C'est précoce. Pourquoi ? Parce qu'elles sont périphériques. Du moment où elles sont des effets centraux, ça doit être tardif. Les effets périphériques sont précoces et les effets centraux sont tardifs parce qu'il faudrait attendre un délai pour avoir assez de dopamine au niveau du cerveau pour provoquer des effets secondaires. Et là, c'est des effets de surdosage, notamment. Donc, ce sont des effets. Les effets centraux sont toujours tardifs, les effets périphériques. C'est pour cela, il est toujours dit, ce sont des effets périphériques transitoires. Beaucoup de malades, quand on les met sous ce type de traitement, vont se lever le matin avec des nausées, avec des vertiges, dès qu'ils se lèvent. Et là, il faut leur dire tout simplement, ça va passer pendant 2-3 jours, le temps qu'il y a l'équilibre, et ce sont des effets qui vont disparaître. Ce sont des effets secondaires précoces, transitoires. D'accord ? Il y a une perte d'efficacité, c'est-à-dire que lorsqu'on donne le traitement, avec le temps, l'effet du médicament va disparaître. On a appelé ça comment ? Tolérance. Tolérance. Pas la tolérance. La tachyphylaxie, merci. C'est la tachyphylaxie. Vous vous rappelez de la tachyphylaxie ? C'est quand on donne la dose ? Non. Là, c'est grave. C'est plus l'anatomie. La tachyphylaxie, c'est hier. D'accord ? Quand on prend la tachyphylaxie en première année, la tachyphylaxie, c'est une perte d'efficacité. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de l'anaphylaxie, qui est l'augmentation de la réponse par l'immunisation, c'est la diminution de la réponse en augmentant la dose. Et là, c'est un effet précoce, c'est tardif. Tardif. C'est parce que ce sont des effets qui apparaissent lorsqu'on donne à un malade trop longtemps ce médicament et que l'on n'a pas constaté, et puis l'effet va disparaître, on continue à lui donner en augmentant les doses en pensant que l'augmentation de la dose va corriger. Ça, c'est une erreur. Chez les malades de Parkinson, il y a moi j'ai un adage. Vous savez ce que j'appelle un adage ? Vous savez quoi ? Soit le sibao kam. Bash nahdou kam, ma nahdouch kam. Soit le dahkou kam, soit le sukou kam. Donc du moment où vous rigolez, on va tous rigoler. Ça va détendre l'atmosphère. Vous constaterez, essayez de voir cet effet très particulier chez les malades, traités avec chez les restaurateurs de par énergie, on observe un effet qu'on appelle un effet on-off. En thérapeutique, ça existe. C'est-à-dire, comme si vous allumez, vous éteignez. Voilà ce que fait un effet on-off. Vous donnez le malade. Il est sous traitement, il n'a rien, ni tremblement. On bat d'un seul coup, ce sont des tremblements. On bat dans l'heure qui suit, les effets disparaissent. D'accord ? Et là, c'est très difficile pour savoir. Hein, là, pendant cette journée, pendant 2-3 jours, il n'a rien. Même s'il a des tremblements, ce sont des tremblements qui sont tolérés. Et pendant les 48 heures, c'est des manifestations exagérées. Là, c'est ce qu'on appelle un effet on-off qu'on observe dans ce cas de pathologie. Pourquoi ? Parce que souvent, le freinage ou l'augmentation de la dopamine va faire quoi ? Eh bien, il va provoquer un freinage de l'activité cholinergique. Donc, ce balancement va entraîner ces effets plus et moins. Et ce sont des effets qui sont tardifs ou précoces. Tardifs parce que c'est moi. Dans un traitement à long cours. Donc vous notez les effets secondaires, je vais résumer. Donc les principaux effets secondaires sont délire, hallucination. Les principaux effets secondaires sont deux points. Délire, hallucination. Vous pouvez mettre en parenthèse pour vous rappeler, donc ce sont des effets centraux qui sont tardifs. Très bien. Effet centraux, tardif. Deuxième effet, donc, nausée, vomissement et hypotension orthostatique. Nausée, vomissement, partout la fin des abréviations. Dorénavant, nausée, vomissement, c'est NV. Nausée, vomissement, ou la force et l'hypotension, vous mettez les A, vous pouvez faire vers le bas. Tout simplement, ça signifie hypotension. Donc, nausée, vomissement, hypotension orthostatique, ce sont donc des effets qui sont périphériques, mais qui sont précoces. En parenthèse, effet périphérique précoce. Troisième effet indésirable, c'est une perte d'efficacité thérapeutique. Perte d'efficacité thérapeutique. C'est un effet qui est tardif. Et on a une fluctuation de la performance thérapeutique, une fluctuation de la performance thérapeutique D1 et D2. Je vous ai donné ces deux exemples exprès, alors que la bromocriptine est un agoniste D2 et un antagoniste D2. La bromocriptine est un agoniste D2 et un antagoniste D1. Vous notez pas le reste. Pour vous donner l'exemple, bromocriptine. La bromocriptine est une molécule très particulière parce que normalement, ce n'est pas son usage primaire. La bromocriptine, vous allez plutôt la voir en gynécologie obstétrique. Traitement. Elle porte le nom de Parlodel. On la donne chez des jeunes dames qui n'arrivent pas à avoir des enfants suite à l'augmentation du taux de prolactine. Quand le taux de prolactine augmente chez la femme, jeune femme, elle a ce qu'on appelle une galactorrhée, qui n'est pas donc physiologique. Normalement, c'est pas. Parce que la galactorrhée se fait l'augmentation d'abord, se fait après l'accouchement. Et là, généralement, elle a une augmentation anormale qui fait qu'il y a un dysfonctionnement hormonal. Et pendant l'ovulation, l'ovulation se fait très mal, et de ce fait, il n'y a pas donc, de fécondation. Et c'est un médicament de choix qu'on donne en gynécologie obstétrique. Là, c'est une molécule qu'on donne parce qu'elle a une activité sur les récepteurs dopaminergiques, et c'est une molécule qu'il ne faut pas donner trop longtemps, parce qu'elle a des effets secondaires. Elle est utilisée comme traitement de relais, tout simplement. Quand on a des problèmes avec les autres molécules, on arrête, surtout avec la dopamine, on introduit le Parlodel pendant 3 mois, tout simplement, et on revient pour éviter, quoi ? Et bien pour éviter la dyskinésie, pour éviter la tachycardie, pour éviter les phénomènes on-off, etc. C'est pour ça que ce sont des médicaments, j'ai dit, qui peuvent être utilisés soit de relais ou d'association à la dopathérapie, c'est-à-dire au traitement agoniste dopaminergique et non aux anticholinergiques. C'est dans cette classe. Est-ce que c'est clair ? Je résume. si vous permettez, ce cours, il est très simple. Vous êtes censé sortir en l'ayant à 50% appris. Le traitement de la maladie de Parkinson est très simple. Il y a un dysfonctionnement entre deux éléments fondamentaux qui sont situés au niveau d'une zone qui contrôle un certain nombre de systèmes, l'automatisme, la précision et le contrôle des masses musculaires, ce qui explique la rigidité. C'est un hypofonctionnement dopaminergique, et l'hypofonctionnement dopaminergique est issu de la dégénérescence de ces cellules. C'est ces cellules, quant à truc, le taux de dopamine, parce qu'elles sont sécrétées au niveau cérébral, pas à ce niveau-là, donc il y a diminution des cellules sécrétrices, et automatiquement on a un hypofonctionnement. Le système correcteur compense en faisant une augmentation de l'activité cholinergique. Mais c'est un truc anarchique, c'est un système anarchique qui va entraîner carrément des tremblements, de la kinésie et de la rigidité. Pour traiter, on donne des anticholinergiques, et les anticholinergiques amendés, c'est-à-dire agissent. Sur quoi ? Sur les tremblements et la rigidité uniquement, et qui sont une phase initiale de la maladie de Parkinson. Il faut faire attention, ce sont des médicaments qui ont des effets secondaires périphériques. J'insiste, faites attention aux associations de classe thérapeutique, tout médicament ayant un effet anticholinergique, ou chez un sujet présentant un terrain sous-jacent particulier, tel que cœur, asthme, etc. Fermé. Maintenant, ce traitement seul est insuffisant, parce que c'est une maladie évolutive. On est obligé de ramener la dopamine, on ramène, j'ai dit, le précurseur, qui est une prodrogue, sauf qu'il faudrait faire attention. Deux choses, c'est quand dans le premier cas, ce sont des effets secondaires. Dans le premier cas, ce sont des effets secondaires dose-dépendants qu'on peut régler. Dans le deuxième cas, il faut faire attention à ne pas trop abuser. Pourquoi ? Parce qu'elle peut entraîner des effets tardifs et qui parfois sont irréversibles. Les effets précoces sont transitoires parce qu'ils affectent beaucoup plus le système périphérique. D'accord ? Alors que le système sort en cas de surdosage ou de surcharge. Ça, c'est un danger avec la dopamine. Surtout au niveau donc, des récepteurs sympathiques alpha qui peuvent entraîner une vasoconstriction. Sur le système central, tout ce que vous pouvez, c'est des délires et des hallucinations qui peuvent disparaître également avec la diminution de la dose. Mais ce qui est dangereux, c'est carrément la tachyphylaxie, c'est-à-dire vous allez voir que l'effet du médicament va disparaître avec le temps. Et ça, pour éviter ces malencontreux effets, il est préférable de faire une substitution, parfois ne pas trop augmenter les doses, donner des petites doses et associer de temps en temps un agoniste dopaminergique, d'accord, ce qu'on appelle type restaurateur, soit carrément le faire en association et faire un traitement de relais. Donner, arrêter, c'est-à-dire on arrête le restaurateur, on introduit le parlodé pendant 3 mois, on retire, on remet l'autre pour éviter l'apparition des effets secondaires tardifs. Voilà ce que vous êtes censé retenir sur ce cours. Sur les restaurateurs, c'est le cas. Ah ? Les restaurateurs dopaminergiques. C'est les agonistes. Les effets centraux sont permanents ? Pardon ? Les effets centraux sont dose dépendants toujours. Les effets centraux, c'est beaucoup plus les hallucinations. Vous n'avez normalement, à dose thérapeutique, ce sont des médicaments qui contrôlent, vont rétablir l'effet acinétique. D'accord ? Maintenant, si vous avez des délires, des hallucinations ou une dyskinésie, vous avez un sujet qui était acinétique, il est devenu dyskinétique. Enfin, cela signifie que vous êtes en surdosage. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Voilà, je vous remercie.